que l'on jette au gouffre amer comme une pierre. Avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil du sac de toile, mais fidèle après le trépas, leur âme ne s'envole pas dans une étoile. Désormais voué au sanglot par ce nouveau crime des flots qui teint la Navre, entre la foudre et l'océan, elle appelle dans le néant le cher cadavre. Et nul n'a pitié de son sort que la mouette au large essor qui, d'un coup d'aile, contre son cœur tout frémissant, attire et recueille en passant l'âme fidèle. L'âme et l'oiseau ne font plus qu'un, ils cherchent le corps du défunt loin du rivage. Et c'est pourquoi sous le ciel noir l'oiseau jette avec désespoir son cri sauvage. Ne tuez pas le goéland qui plane sur le flot hurlant, qu'il effleure, car c'est l'âme d'un matelot qui plane au-dessus d'un tombeau. Et